Hein. J'ai pris la bande d'arrêt, j'avais pas le temps pour faire la file. Oh, je suis mal entouré, bourré comme la moitié de ma ville. On n'oublie pas l'ADN, on n'oublie pas les douilles. Le diable s'habille en Prada ou comme il veut, je m'en bats les couilles. Hier a tout oublié, demain matin par le mal. Personne ne m'aimait puisque c'est comme ça, j'irai sans vous. Personne te comprendra jamais, dis-leur pas comme t'as mal. N'oublie pas le principal, au fond tout le monde s'en fout. Grandis sous un drapeau pirate, j'allais avec le vent. Oui, mon sang a coulé et puis j'ai fait couler du sang. Y'a du chahut tout le temps, y'a du bouc quand même quand c'est calme. Y'a des bruits qui courent et d'autres qui font démarrer la bécane. Fiasso. Check. Je connais trop de gens bizarres, c'est pour ça que ma santé dévie. Je serais déjà au cimetière si je devais m'inventer des vies. T'as volé pour manger, t'as tué, t'as vendu l'héros. On est tous au courant, y'a pas que Dieu qui sait, frérot. Je leur ai dit, je me vengerai, évidemment, personne m'a cru. J'essayais de tuer le temps et puis aussi personne me tue. Voir les regards changer, ça se pensait que c'était l'épilogue. Ça se comptait pas en âne et ça se comptait en épisode. Je me vois courir après mes nuits jusqu'à la fin de mes jours. Ça fait longtemps que j'ai perdu le nord, j'ai le plafond qui tourne. Que Dieu me garde d'avoir le trône, patron ou chef. Peur de mes frères ou bref, Jésus, Marie, Youssef. Personne ne m'aime et puisque c'est comme ça, j'irai sans nous. Coup la carte même solo pour compter mon trésor. N'ouvre jamais ton cœur si tout le reste du monde s'en fout. Eux ils trinquent à la vie, nous on trinque à la mort. Fiasso.